Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce rendez-vous du journal de ce 11 juillet. En voici les grandes articulations. Célébration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population, la ministre burundaise de la Santé publique appelle les Burundais à diminuer la vitesse de reproduction et d'adhérer à la planification familiale. À la Parsem, l'on interpelle le gouvernement burundais à créer de l'emploi pour faire face au chômage. Et du côté du Fonds onusien pour la population, la planification familiale est essentielle pour atteindre le premier objectif du développement durable. 9 maisons ont été brûlées après avoir enfermé les occupants à l'intérieur en 3 jours sur la colline Ndava, c'est en commune Buganda de la province Cibitoke. Le chef de zone Ndava fait savoir que 2 présumés auteurs ont déjà été arrêtés. La population est appelée à être de plus en plus vigilante. À la fin de ce journal, on vous parlera des maladies tropicales négligées, souvent traitées lors des campagnes de traitement de masse. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, page santé pour débuter ce journal. Les Burundais utilisant les méthodes contraceptives sont passés de près de 3% en 2005 à 42% cette année en cours. Les précisions sont de la ministre burundaise de la Santé publique en ce 11 juillet où le monde célèbre la journée de la population. La ministre Josiane Nijimbere indique en outre que la planification familiale est source de développement économique et social, tout en précisant que cette journée permet d'évaluer la mise en œuvre en matière de cette planification ainsi que le pas déjà franchi, suivait la ministre Josiane Nijimbere, traduite en français par Christella Nizigama. Nakaryo keza ku gihugu cyacu ko gusubiza agatima mpembero ku ntambwe tugeze ko. C'est une bonne occasion pour nous de voir l'étape déjà franchie en matière de mise en œuvre de la planification familiale d'une part et de l'autre côté voir nos réalisations avec nos partenaires en ce qui est de la reproduction responsable. La Journée mondiale de la population donc est une belle vitrine pour montrer l'effort du gouvernement burundais dans la mise en œuvre du programme de planification familiale. Sa mise en œuvre est une protection de la santé et des droits pour les familles. C'est un capital au développement du pays en matière économique et autres. Nous appelons tous les Burundais à réduire le taux de reproduction. Tenez, depuis l'indépendance du Burundi en 1962 jusqu'aujourd'hui, les Burundais se sont multipliés par 4. Cette vitesse de reproduction dans ce pays où plus de 90% vivent de l'agriculture est une entrave pour le développement. Aujourd'hui, les Burundais sont tellement nombreux. Dans les coins, ils sont de 400 habitants par kilomètre carré. C'est pour cela que le gouvernement burundais, ayant vu la superficie du pays qui est de 27 834 kilomètres carrés, a mis en place un programme spécifique pour cette question. Josiane Nijimbere, c'est la ministre burundaise de la Santé publique. Et l'effectif de la population burundaise pourra être le double d'ici 2030. Si rien ne change, indique le président de l'ONG Parsem en cette journée. Faustin Ndikumana demande au gouvernement burundais de créer de l'emploi pour faire face au chômage. Le président de la Parsem trouve que si rien n'est fait, le Burundi fera face à la réduction de la moitié de la population. Les détails avec Evariste Nzikobanyan. Le Burundi est un pays très surpeuplé au niveau de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Faustin Ndikumana, président de l'ONG locale et Parsem, donne ici des indicateurs qui le prouvent et ce qui doit être fait. Justement, le Burundi est l'un des pays qui a un taux de fécondité et des taux de fécondité le plus élevé, même au monde ou en Afrique. Le Burundi a un taux de fécondité de 6 enfants par femme. Mais les experts ont toujours recommandé que ce taux de fécondité soit réduit à 3 enfants par femme. S'il était réduit de moitié, peut-être que les choses avancent. C'est vraiment l'objectif ultime aujourd'hui au niveau du taux de fécondité. Cette démographie galopante a des conséquences sur la vie de la population, surtout des jeunes qui terminent leurs études et qui ne trouvent quoi faire. Faustin Dikoumane demande au gouvernement de créer de l'emploi pour lutter contre le chômage. Je dois dire que le gouvernement a la responsabilité de créer un cadre favorable à la création de l'emploi dans un pays. Si le chômage s'amplifie dans un pays, c'est la responsabilité du gouvernement. De dire qu'on devra aller chercher des emplois ailleurs dans d'autres pays, bien sûr, dans le cadre, par exemple, du marché commun, si on a les capacités, on peut aller chercher un emploi ailleurs. Mais je doute, et avoir la capacité, la technicité de la formation, l'expertise, l'expérience des Burundais, ce ne sont pas beaucoup de Burundais qui prétendraient vraiment trouver un emploi ailleurs. Le président de Parcem appelle également à la fin de la crise politique et instaurer la bonne gouvernance, ce qui pourra aider le Burundi à décoller. Et quant à la crise politique, justement, la crise politique est en train de paralyser les énergies. Les esprits sont égarés. Au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, on est en train de perdre du temps. Au lieu de concentrer nos énergies à résoudre les défis essentiels, on est en train de perdre du temps. Et surtout, et perdre du temps étant animé des intérêts égoïstes. Sinon, tout ce qu'on a dit devrait interpeller la conscience. La population burundaise pourra être le double en 2030 si le rythme reste tel qu'il est aujourd'hui et la moitié de la production pourra diminuer, ajoute le président de la parole pour le réveil des consciences et du changement des mentalités par ces mêmes cycles. Et de son côté, Suzanne Ngomandung, représentante au Burundi du Fonds onusien pour la population, précise que la planification familiale est capitale dans l'atteinte d'autres objectifs et n'est pas une option, mais plutôt essentielle pour atteindre le premier objectif du développement durable, ajoute-t-elle. La planification familiale, par conséquent, n'est pas une option. Elle est essentielle pour atteindre le premier objectif du développement durable, à savoir mettre fin à la pauvreté. Elle est également capitale dans l'atteinte d'autres objectifs tels que l'éradication de la faim, la promotion de la santé et du bien-être et de l'égalité entre les sexes. Je fais écho de l'appel de UNFPA au niveau global. Aux 179 gouvernements qui ont approuvé le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement au Caire en 1994, pour faire plaidoyer auprès du gouvernement du Burundi afin que, malgré tous les efforts déjà consentis, qu'il continue de s'acquitter de ses engagements en matière d'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale volontaire. C'est non seulement une question de protection de la santé et des droits, mais aussi une question d'investissement dans le développement économique ainsi que dans la prospérité et le progrès de l'humanité. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal à 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro. Le manque de courant électrique se manifeste à l'avenue de l'Amitié, c'est dans la ville de Bujumbura. Ah, les commerçants de cette avenue disent qu'ils subissent d'énormes pertes. À ces derniers demandent à la Régie nationale de distribution de l'eau et de l'électricité de régler ce problème qui dure 4 jours. Suivez quelques-uns au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Ce n'est pas seulement ce vendredi, il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Ici, à l'avenue de l'Amitié, on observe de temps en temps des coupures du courant. À la régie des zones, nous demandons à ce qu'elle fasse tout moyen possible, à ce qu'elle fasse des réparations. Parce que les techniciens viennent, ils réparent, après quelques poussières de secondes, on observe encore des coupures, des pannes irréparables. Alors, nous demandons à la régie des zones à ce que ces pannes soient réparables, à condition que nous ayons du courant électrique en toute permanence. Nous avons perdu énormément, puisque tu vois, notre entreprise fonctionne grâce au courant électrique. Même les machines que nous utilisons utilisent ce courant. Tu vois, lorsque nous n'en avons pas, c'est toute la vie qui est en difficulté, bien sûr. Ça vient de passer quelques jours qu'on n'a pas de courant ici sur cette avenue. On a déjà perdu beaucoup de choses dans cette boutique. Par exemple, le lait qui était dans le frigo est abîmé parce que ça vient de passer quelques jours sans électricité. Nous demandons à la régie des eaux d'en régler ce problème pour que nous puissions bénéficier de quelque chose ici. Depuis ce vendredi, nous n'avons pas de courant électrique, nous n'avons pas de clients, nous ne travaillons pas, nous restons assis. Et même celui qui vient pour chercher quelque chose de froid, il n'en obtient pas. Il retourne directement. Donc le commerce ne marche pas. Nous payons 2 millions de francs pour le loyer. Dans cette semaine, nous enregistrons une grande perte suite au manque de clients. Nous demandons alors à la régie des eaux qu'elle fournisse des équipements fiables qui puissent répondre à ces pannes. Tu vois, lorsque nous, les gens qui font du commerce, lorsque nous n'avons pas du courant, nous ne voyons pas comment nous pouvons trouver les taxes que nous pouvons donner à l'État. Si nous ne travaillons pas, l'État aussi ne va pas bénéficier des taxes. Certains commerçants grossistes des produits Brahoudi de la commune Kiganda en province Muramvya ne sont pas satisfaits de la répartition des zones de distribution Omega faites par la Brahoudi. Cette situation fait qu'il y ait non-respect des tarifs de la Brahoudi à cause de la pénurie et l'administration demande à la Brahoudi de faire une descente pour voir ensemble comment résoudre ce problème. Le point avec Arthur Kavabushi. Les commerçants grossistes des produits Brahoudi dans la commune de Kiganda font savoir que la mesure prise par la Brahoudi de subdiviser les communes à servir aux méga doit être révisée. Selon ces commerçants, celui qui a été choisi pour couvrir la commune de Kiganda, qui est en possession du méga Nyagisozi, a une grande zone à couvrir alors qu'il n'a qu'un seul véhicule. Les communes qu'il doit servir sont Muramvya Kiganda, Muyeru Tegama et Kibimba. Ce commerçant indique que la plupart des fois, il utilise celui qui a le SSD Muramvya pour faire arriver ses boissons à Kiganda, ce qui n'est pas permis. La commune Kiganda étant une commune enclavée, ce commerçant assume que là-bas, ce deuxième client vend ses boissons à un prix élevé en ajoutant 500 francs bouc par casier au prix réel, ce qui fait que dans cette commune, les prix à la bouteille soient élevés. Pour ces commerçants, si cette situation continue ainsi, ils vont vendre leurs vidanges et investir dans d'autres domaines afin de pouvoir faire vivre leur famille. L'administrateur de la commune Kiganda Ndabouba et Céline demande à la Brahoudi d'y effectuer une descente pour voir ensemble la solution à apporter à ce problème. Il est prévu une rencontre entre le gouverneur de Muramvya et ceux de la Brahoudi dans l'après-midi de ce mardi sur cette question. Arthur Kavabushi, Muramvya, Radio Sanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page sécurité de ce journal à 13h06 dans les studios de la radio Isanganilo. 9 maisons ont été brûlées dans une période de 3 jours sur la colline Ndava dans la commune Buganda, c'est en province Chibitoke. C'est à l'ouest du Burundi, selon les sources sur place. Les auteurs de ce cas ont enfermé les occupants de ces maisons à l'intérieur de celles-ci. Avant de les brûler, ce sont les voisins qui viennent les secourir. Le chef de zone Ndava, Jean-Claude Ngendahayo, fait savoir que 2 présumés coupables ont déjà été arrêtés pour des raisons d'enquête et que la population est appelée à être de plus en plus vigilante et dénoncer ces criminels. Il a encore ajouté que des réunions d'apaisement sont en train d'être effectuées pour éviter que la population se fasse justice. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique santé de ce journal qui nous parle des maladies tropicales négligées qui affectent le plus souvent les populations pauvres vivant loin des structures de santé. Le docteur Victor Wuchumi, directeur du programme national intégré de lutte contre ces maladies, nous fait savoir que ces maladies sont souvent traitées dans le cadre des campagnes de traitement de masse et sont souvent soignées gratuitement. Francine Ndirokubgayo pour plus de détails. Les maladies tropicales négligées sont des maladies qui s'observent généralement chez les populations démunies, souvent oubliées dans les villages, comme l'indique le docteur Victor Wuchumi, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées, la cécité. On veut signifier des maladies qui sont souvent observées chez des populations démunies, pauvres, très reculées, éparpillées dans les campagnes, ou même au niveau des banlieues. Au Burundi, nous avons comme maladie tropicale négligée, avec la plaine d'Olimbo où le climat est un peu chaud. On observe souvent des maladies comme l'onchocercose, la bilharziose. Mais ailleurs dans le pays, dans d'autres provinces, on observe ces maladies que l'on appelle les géohelminthiases, qui sont des parasitoses intestinales. Sont transmis par ingurgitation d'aliments contaminés par les parasites. Mais parfois, on trouve qu'il y a des régions où on peut retrouver une coexistence d'une, deux ou trois de ces maladies. Et des maladies comme le trachome. La pauvreté est un facteur qui favorise la présence et la propagation de ces maladies tropicales négligées. Les causes de ces maladies sont souvent liées à la pauvreté. Certaines de ces maladies sont transmissibles. Et le contact étroit permet la transmission de ces maladies pour les populations environnantes. Ces maladies ont des symptômes spécifiques, sont facilement reconnaissables. Il suffit de savoir les signes cliniques pour chacune de ces maladies pour pouvoir les identifier. Par exemple, pour l'onchocercose, c'est une maladie qui est connue dans la plaine d'Olimbo depuis longtemps. C'est une maladie qui se caractérise par des grattages, un prurit au niveau cutané. C'est le signe majeur, mais qui doit être confirmé au labo par le prélèvement cutané. La plupart de ces maladies sont traitées gratuitement quand elles sont déjà identifiées. Quand on a déjà identifié que c'est une maladie tropicale négligée, le traitement est gratuit. L'Organisation mondiale de la santé recommande une prise en charge de ces maladies en deux catégories. Il y a des maladies qui nécessitent la prise en charge isolée des cas. Là, on peut citer la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil, l'ulcère de Bururi, la lèpre, le pian, le mycétome et la drachinculose. Et d'autres pathologies qui nécessitent une chimiothérapie préventive de masse. Et là, je dirais l'exemple de la filariose lymphatique, l'onchocercose, les helminthiases transmises par le sol, le trachome et la schistosomiase. Bon, ces maladies sont souvent traitées dans le cadre de campagnes de traitement de masse que nous organisons annuellement. Et pour ceux qui sont fortement malades, fortement parasités, nous disposons des services au niveau de ce programme pour la prise en charge des cas isolés. Les médicaments sont disponibles avec l'appui des partenaires du ministère de la Santé publique de lutte contre le sida. Le respect des mesures d'hygiène est le seul moyen de pouvoir prévenir les maladies tropicales négligées. Les responsables de ce programme national insistent à ce que les populations soient approvisionnées en eau potable. Merci à Francine Ndihokubgayo et au docteur Victor Bouchoumi, directeur du programme national intégré de lutte contre les maladies tropicales négligées. Ainsi se referme ce journal, mais pour ceux qui viennent de nous capter, je vous en rappelle quelques titres. Le Monde célèbre ce 11 juillet la journée de la population. La ministre de la Santé publique appelle les Burundais à diminuer la vitesse de reproduction et à adhérer à la planification familiale. À la PARSEM, l'on interpelle le gouvernement burundais à créer de l'emploi pour faire face au chômage. Du côté du Fonds onusien pour la population, la planification familiale n'est pas une option mais plutôt essentielle pour atteindre le premier objectif du développement durable. Et 9 maisons ont été brûlées après avoir enfermé les occupants à l'intérieur en 3 jours sur la colline Ndava, c'est en commune Buganda de la province Chibitoke. Le chef de zone Ndava fait savoir que 2 présumés auteurs ont déjà été arrêtés et la population est appelée à être de plus en plus vigilante. Vous venez de l'entendre, on vient de vous parler des maladies tropicales négligées. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui en assurait la mise en onde. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.